Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, deuxième numéro de cette nouvelle saison. Et je me retrouve avec mon compère Murdoch. Comment allez-vous, Murdoch? Bah ça va très bien, et vous, Monsieur Wiz? Fort bien. Ouais, bonne émission de reprise, on va dire. On s'est beaucoup amusé. Ouais, il y a tout, hein. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'édito particulier parce qu'il s'est rien passé de particulier. Ouais. Donc voilà, on va pas inventer des sujets quand il y en a pas. Par contre, ben on peut démarrer avec une sélection encore riche en notes diverses et variées. Donc je vous passe la parole. Et oui, donc on démarre avec du rap, avec Run-DMC, l'album Raising Hell de 1986. On s'écoute Raising Hell. C'était Raising Hell de Run DMC, donc l'album de 1986 qui porte le même nom que la chanson qu'on vient d'écouter. Donc Run DMC, c'est un album produit par Rick Rubin, donc le grand Manitou du rap et du métal à cette époque-là, qui a produit un album dont j'ai déjà parlé, donc le premier album des Beastie Boys. Alors c'est un disque que j'adore réécouter car il a posé des balises dans le rap que j'aime. Alors, ils ont su mettre du rock dedans et ça donne un disque qui est, à mon avis, très homogène et très bon. Puisque justement, on retrouve du rap, on va dire, assez classique pour l'époque, mais aussi ce dont j'ai parlé, donc le mélange aussi de rock. Alors, les instrus sont vraiment bien faites, notamment donc la chanson qu'on vient d'écouter, Raising Hell, où c'est Rick Rubin lui-même qui joue de la guitare. Alors, on aurait pu passer aussi Walk This Way, que tout le monde connaît, pour la petite histoire. C'est donc leur producteur qui va leur dire faites un duo avec Aerosmith, et du coup le groupe va suivre le conseil, ouais, c'est ça, et le clip va être multidiffusé sur MTV. Ça va relancer la carrière du groupe d'Aerosmith qui était un petit peu, on va dire, en perte de vitesse. Et puis ça les a vraiment bien relancés. Mais sur l'album, il y a aussi It's Tricky qui est aussi très bien faite, et je sortirai du lot aussi You Be Healing, qui est un instru aussi très très bon, avec toujours du rap à la Run DMC comme j'aime. Donc voilà, c'est pour moi un album fondateur du rap de cette époque là et pourquoi ce choix pour moi, c'est ma découverte de ce que j'ai envie d'appeler le vrai rap, quoi. C'est dans une médiathèque à la pochette, ça traînait donc dans les bacs, et je l'ai pris parce que j'en avais un petit peu entendu parler. Et l'affect est vraiment sur la globalité du disque, hein, tant sur la musique, donc la manière dont les instrumentations sont préparées, le style des mecs aussi. Ça m'a beaucoup marqué à l'époque où les gars avaient des grosses Adidas Stan Smith aux pieds, ou alors des superstars, c'était assez marrant à voir. Et puis bon, voilà, il y a forcément aussi la petite dose de rock qui fait que ça m'a accroché à cette époque-là. Et puis évidemment, là, le parallèle avec les Beastie Boys, c'est quand même assez similaire sur ce point-là. Alors, est-ce que de ton côté, ça t'a plu? Non, fatalement. Tu refais le parallèle avec les Beastie Boys, donc effectivement. Alors, je peux quand même commencer en disant que je connaissais un titre. Bon. Ouais, lequel? Classique, mais que je connaissais, donc le fameux Walk This Way, voilà. Que j'ai même pour le coup en CD sur sur la compile qui allait avec la rétrospective de Sex Machine. Ah oui, pas donc voilà. Pour le reste, j'ai envie de dire À mes pauvres oreilles, c'est un peu Waterloo, morne pleine. Alors, en développant juste rapidement, tu sais que le rap, c'est pas exactement mon genre de prédilection, ouais. Même si de temps en temps, je peux quand même y trouver mon compte. Là, c'est vraiment pas le cas. Je trouve que c'est très, très représentatif et que c'est vraiment dans l'air du temps. Donc, c'est un document intéressant à écouter parce que ça repose vraiment une époque. Et c'est justement, c'est une époque où moi, j'ai commencé à ne plus m'intéresser à ce type de musique parce qu'on sortait de quelques années d'expérimentation avec les pionniers type Afrika Bambaataa qui faisaient du rap sur quelque chose qui était un fond musical, j'ai envie de dire, quand même un peu plus dense, généralement plutôt issu du funk. C'était plein de samples, mais il y avait quand même musicalement du fond. Là, j'ai l'impression d'entendre des goliots de banlieue qui s'éclatent sur une boîte à rythme. Alors, de temps en temps, il y a un mec qui a ça, c'est pour plus tard, ne spoil pas. De temps en temps, il y a un mec qui lance un hit, et puis voilà, et c'est reparti sur la boîte à rythme, et poum, tchit, poum, tchit, poum, tchit, poum, tchit. Et je trouve ça désespérant. Mais vraiment désespérant. Donc voilà, à part un petit bout de musique de temps en temps pour rappeler qu'en fait c'est pas un sketch quoi, mais que c'est que t'as acheté ça au rayon musique parce qu'il paraît que c'est de la musique. C'est des mecs qui déblatèrent sur de la boîte à rythme. Alors pour moi tous les titres sont interchangeables. Donc je vais prendre le premier parce que je trouve le premier marrant, Peter Piper. Mais je peux écouter ça, on va dire, dans un boulevard des hits quelconque, casé entre Steph de Monac et AA. Et puis voilà. Sinon, Walk This Way, c'est très bien. Ouais. Mais je trouve que ça sent, je vais continuer à casser, je trouve que ça sent un peu la quinzaine du boudin, mais tu l'as tout à fait tu l'as tout à fait résumé, parce que c'est vraiment d'un côté les mecs qui veulent faire hey, « Eh coucou, on est des musiciens sérieux », et de l'autre, t'as les mecs qui font « Eh hey, coucou, on est des musiciens encore à la mode ». Donc, ça fait un peu Daniel Gilbert sur les bords. Oh la vache, mais Daniel Gilbert, vous dis souhait. Je trouve que c'est vrai, c'est un côté l'éternel retour, voilà, je suis toujours là, je fais les quinzaines commerciales et tout. Aujourd'hui, je donne dans le rap. ouais, c'est l'impression que ça me fait. Au final, je trouve que le morceau se tient parce que c'est Aerosmith. Et en fait, je préfère écouter l'original, de loin. Oh la vache. Oh, t'es dur. Je suis désolé. Bon, alors on va passer à ton premier choix. Voilà, je triche encore parce que c'est 79 et on tombe sur quelque chose de beaucoup plus mignon parce que j'ai sélectionné le conte musical Émilie Joly de Philippe Châtel et comme extrait, j'ai pris la chanson du coq et de l'âne par le duo Souchon-Voulzy. Sans un nom, sans même un oui, on me traitera de sot. Il n'a pas fait son boulot. Partageons-nous les mots de ce livre. Partageons-les, voulez-vous? Le lecteur aura du mal à suivre. Mais ça fait rien, on s'en fout. On s'en fout un petit peu, c'est vrai. Vous les là et moi l'île. Vous les haies et moi les nuits. Vous les vous et moi les je. Que pensez-vous? Moi les avoir, vous les chagrins, moi les espoirs, vous la vie et moi le jeu, vous la nuit et moi l'amour. Donc c'était la chanson du coq et de l'âne, donc de Alain Souchon, Laurent Voulzy, extrait de Émilie Joly, 1979. Donc The Classic Absolu. Extrait d'une époque où on savait encore s'adresser aux enfants de façon poétique, je trouve, et slash ou des consommateurs potentiels. C'est un conte musical, merci Wikipédia, j'ai appris ça, qui a été inspiré à Philippe Châtel par sa fille, qui s'appelle Émilie. Et je ne savais pas, j'ai découvert ça pour l'occasion et donc il écrit et compose ce conte, et pour l'interpréter il va réunir un casting ahurissant, tellement qu'il faut que je les cite tous parce que des fois il y a des gens qui ne connaissent pas encore le disque. Donc on retrouve Georges Brassens, Robert Charlebois, Louis Chédid, Julien Clerc, Françoise Hardy, Isabelle Mayrault, Eddy Mitchell, Bernard Paganotti, Henri Salvador, Yves Simon, Alain Souchon, Sylvie Vartan, Laurent Voulzy et en prime Diane Dufresne pour la version télé. Il y a donc eu effectivement une version télé faite par Jean-Christophe Averty en 1980 qui est achetable sur le site de Lina pour ceux que ça intéresse. Pour 2,50€ ou un truc comme ça, ça pique un peu les yeux, c'est l'époque, mais je l'ai revu il y a pas très longtemps encore et je trouve que la magie marche toujours à plein. Et je crois qu'en fait, à l'époque, c'est à la télé que j'ai découvert avant d'avoir la cassette. Un truc qui me, avant de te passer la main, un truc moi qui m'éclate particulièrement, outre le fait que c'est que des super chansons et je trouve elles marchent encore très très bien même quand on est adulte, même si moi j'ai aucune honte à écouter les chansons d'enfants. Ce qui m'éclate, c'est que la manière dont les compositions colle aux interprètes. On a l'impression que il avait déjà en tête un interprète au moment où il faisait la chanson, parce que globalement, quand, enfin, la chanson de Julien Clerc, c'est du pur Julien Clerc. Françoise Hardy, c'est du pur Françoise Hardy, Louis Chédid et compagnie. Les chansons ont sorti de leur contexte, vont pas dépareiller sur l'album de leur artiste respectif. Donc je trouve qu'il a fait un boulot absolument bluffant à ce niveau-là. Et voilà. Et moi, j'en suis extrêmement, extrêmement fan. Tu connaissais quand même de l'époque. Oui. Moi, à l'époque, quand tu l'as mis dans la sélection, c'est marrant parce que moi, je l'avais recherché assez récemment et donc j'avais voulu le réécouter sur Deezer et je me suis rendu compte que tous les titres n'étaient pas disponibles parce que il doit y avoir certainement un des problèmes de droit et donc il n'est pas réécoutable en intégralité sur les plateformes de téléchargement. En plus, pour ceux qui veulent éventuellement racheter le CD, il est difficile de trouver la version d'origine. Je me suis fait couillonner, je l'ai acheté en double parce que la première que j'ai achetée à la Fnac, c'est une version remixée et alors pas de manière ultra violente, mais c'est plus exactement le truc d'origine. Donc il a fallu que je fouille Gibert pendant des mois avant de mettre la main sur le CD de base. Et encore, je suis persuadé que la chanson de Françoise Hardy, la chanson de Sylvie Vartan, c'est pas l'original. Et maintenant, je me suis mis en tête de récupérer le vinyle pour comparer. Parce que je suis pas sûr que ça soit encore vraiment la version d'origine. Excuse-moi pour l'aparté. Non, mais c'est pas bien grave. Mais oui, moi, quand j'étais gamin, effectivement, j'ai écouté un bon paquet de fois et ça m'a rappelé. Je pense qu'à une époque, comme tu l'as rappelé, nous, on était petit peu moins mis devant les écrans, devant les télés, mais j'ai des souvenirs donc avec les cousins, cousines, où justement les parents nous mettaient le vinyle et on avait un bouquin sur les genoux pour suivre l'histoire. Et on écoutait le conte musical d'Émilie Jolie, quoi. Et c'était vraiment, ça m'a vraiment replongé à cette époque-là. Et c'est plein de souvenirs de quand j'avais 3-4 ans de ça, quoi. C'est la chanson que je préférais à l'époque, que je préfère toujours maintenant, c'est la chanson du hérisson. Parce que c'est marrant, mais c'est celle qui m'a toujours le plus parlé, et aussi celle de Julien Clerc, quoi, qui est aussi moi j'aime bien réécouter. Mais c'est des sacrés souvenirs de d'enfance, quand j'étais vraiment tout petit. On va encore changer de style. Oui, alors on enlève le petit par-dessus rouge d'Émilie Jolie et on prépare les permanentes et les perfectos, puisqu'on va s'écouter Trust, la chanson Passe, qui est sur l'album Répression de 1980. Donc c'était Passe, extrait de l'album Répression de Trust. Donc c'est le gros morceau du rock français du tout début des années 80, à mon avis. Et malheureusement, ça a été cannibalisé par le single Antisocial, qui avec le temps, à mon avis, a un peu occulté cet album. Alors, on a souvent raillé un petit peu le rock français en disant que c'était pas une langue pour chanter du rock, etc., etc. Et on a tous, une image un petit peu péjorative du rock français, quoi. C'est c'est comme disait John Lennon, on va pas parler de vin anglais, quoi. Donc on peut pas parler de rock français. Mais bon, dans ce disque, on a un peu tout. On a des riffs de tueurs, on a Bernie Bonvoisin, donc qui met ses tripes sur la table à chaque chanson, et des textes qui sont plutôt bien tournés. Après, à la réécoute, on va dire assez successive pour préparer l'émission, je trouve qu'on tourne un petit peu toujours autour des mêmes thèmes, c'est-à-dire la prison, l'état policier, la société, etc., etc. Donc c'est un petit peu rébarbatif, mais je pense que 40 ans plus tard, il n'y a plus aucun artiste qui va sur ce terrain. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu passer autre chose que qu'antisocial, parce que je trouve que vraiment dans l'album, il y a beaucoup plus à dire que ce simple single. Alors j'ai récupéré à mon avis un vinyle d'époque hein, que j'ai acheté vraiment vraiment pas cher puisque la pochette elle est quand même bien abîmée. Ouais bah ouais elle est mais bon c'est moi je trouve que c'est un disque qui se tient bien. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? Alors moi j'ai le vinyle aussi. Ah. Donc je peux commencer par dire tout de suite, et je trouve c'est vraiment désespérant, c'est que tous les textes sont encore ultra pertinents aujourd'hui. Ouais. Alors les références changent, c'est clair qu'on ferait pas deux titres sur Mesrine dans un album en 2018, mais grosso modo, tout aurait pu être écrit ce matin. Vraiment, tout se tient encore et tout marche. C'est désespérant d'ailleurs, mais c'est ça, c'est toujours extrêmement d'actualité. Musicalement, comme tu disais, enfin, on n'a rien à envier aux anglo-saxons. C'est ultra efficace. Ouais. Ça marche super bien. Vocalement, c'est peut-être à la limite le seul point qui est mitigé. Enfin, pour moi, c'est que c'est on est vraiment dans le punk, c'est-à-dire que c'est pas vraiment chanté, c'est plus déclamé. Alors ça marche bien avec les textes, hein, qui sont pas particulièrement virulents et bien écrits. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui l'ensemble fait que tout marche bien, quoi. Tout marche très bien, mais ça fait que c'est pas un disque que je peux écouter trois fois à la suite, hein, alors qu'il y en a d'autres sans problème. Les petits highlights, on va dire, de l'album. Donc, faut quand même sortir Antisocial, ouais. Parce que c'est un classique qui me semble, je sais plus à quelle occasion, mais quand même un peu entré au panthéon de la chanson française. Oui, d'accord. On passe à ton prochain choix? Passons. Donc, je vous ai sélectionné l'album 90125 de Yes, de 1983. Et là, je fais très simple. L'extrait, ça sera Owner of a Lonely Heart. C'était Owner of a Lonely Heart de Yes en 1983, extrait de l'album 90125. Alors, pour le petit référentiel historique, quand même, c'est intéressant de remettre le disque dans son contexte. En 1983, Yes n'existe plus. À la suite de l'enregistrement de leur disque de 78, donc entre 78 et 79, le groupe fait face coup sur coup au départ de son clavier, Rick Wakeman, et de son chanteur, John Anderson. En 81, c'est le guitariste, Steve Howe, qui part de son côté pour monter le groupe Asia, dont j'ai chroniqué le premier album ici même. Oui. Il reste plus que un bassiste et un batteur qui font un petit 45 tours à deux en 80 et puis voilà, Yes n'existe plus. arrive sur ces entrefaits un guitariste sud-africain, Trevor Rabin, qui arrive avec une cassette de démo dans ses bagages, et il va rencontrer nos deux ex Yes, et ils vont décider de former un groupe qui va s'appeler Cinema. Donc ils travaillent leur petite chanson à trois, et puis ils disent tiens, il va falloir un clavier quand même pour étoffer un peu le truc, et ils disent tiens, faisons appel à l'ancien, le tout premier clavier de Yes, Tony Kaye, qui avait été viré en 1971, et donc ils se retrouvent à quatre, et c'est toujours un groupe qui s'apprête à sortir son disque. Et le manager d'Atlantic, écoutant ça, se dit tiens, je vais quand même faire une copie et je vais envoyer ça à John Anderson, des fois que il chanterait pas si mal dessus. Et en écoutant ça, John Anderson dit c'est génial, je veux absolument chanter là-dessus. Et on se retrouve avec un groupe à 5 qui commence à ressembler de plus en plus à Yes, et tant et si bien que Cinema va être morné et ça va être un album de Yes. Ça sera le nouveau Yes qui renaît de ses cendres. Ça va être le plus grand succès du groupe, qui vraiment attaque de plein pied les années 80 avec un son très actuel et surtout très très éloigné du rock progressif qu'il faisait dans les années 70. C'est aussi le disque qui aura largué une partie de ses fans, parce que y a quand même un certain nombre qui se sont dit tiens, ils ont un peu vendu leur âme au diable, parce qu'ils font quand même dans du très commercial, mais ils font surtout, je trouve, dans du très efficace. Donc moi je préfère encore un Yes qui fait des chansons de 4 minutes format top 50 que certains trucs plus conventionnels mais loupés qu'ils ont pu faire au début des années 90. Donc moi c'est un album que, même si j'adore toutes les années 70 et tout le côté progressif avec des morceaux de 25 minutes, j'aime beaucoup ce disque aussi. Je trouve qu'il est vraiment efficace et j'ai du mal à avoir des préférences en termes de chansons. Bon, on va dire qu'il y a donc la chanson titre et puis Changes et Leave It. Et ces trois-là, je crois que je peux les écouter 50 fois par jour. Je ne m'en lasse absolument pas. Je ajoute aussi que si je le mets là, c'est parce que j'avais déjà en CD, mais j'ai acheté la toute dernière réédition qui est sortie il y a c'est pendant l'été, qui est sorti en vinyle en trois couleurs. Et le disque est absolument magnifique. Je suis super content, j'en avais pas besoin vu que j'avais déjà le CD, mais la version vinyle est assez splendide. Donc voilà, un très bon disque. Je sais pas si toi tu l'avais déjà écouté ou pas. Oui, parce que j'ai failli le prendre dans la liste. Ouais, je voulais le prendre et tu l'avais déjà pris, donc je me suis dit bon, tant mieux, comme ça on va parler de Yes. Oui, moi j'y suis rentré vraiment par le single hyper accrocheur. Moi j'adore cette chanson, et comme tu l'as dit, Changes, c'est aussi des très très bons morceaux. Moi j'aime bien cet album, je le réécoute quand même assez souvent aussi, puisque je trouve qu'il est assez varié, puisqu'il y a à la fois du gros single mais aussi des chansons un petit peu plus recherchées, ouais, j'aurais tendance à dire. Et moi je trouve que c'est un truc qui se tient plutôt bien. C'est bien plus dense que je l'espérais, en fait. J'attendais vraiment un album de rock des années 80, un petit peu plat, un petit peu fade. Et c'est un petit peu le contraire, quoi. Il y a toujours un petit quelque chose dans le morceau qui fait que c'est intéressant, quoi. Du coup, c'était vraiment une très très bonne surprise, à part que la pochette, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Alors, on va avancer un petit peu dans la décennie. Ouais. On arrive fin des années 80, donc avec l'album des Go-Betweens, 16 Lovers Lane, et on s'écoute l'extrait Streets of Your Town. Watch the butcher shine his knife, and this town is... C'était Streets of Your Town, donc des Go-Betweens, extrait de l'album 16 Lovers Lane. Alors, les Go-Betweens, c'est un album que j'ai découvert un petit peu plus tard après sa sortie, donc dans les années 90, grâce aux Zarok. Ils avaient sorti un dossier sur le groupe qui était intitulé donc le groupe le plus sous-estimé de l'histoire du rock, donc forcément ça m'a un petit peu attiré. Ça positionne déjà d'entrée de jeu. Ouais, ça positionne un petit peu le truc. Et bah nous voilà partis avec un groupe qui, malgré de très très belles chansons, donc à mon avis très pop, ne sortira pas vraiment de l'anonymat. Ils sont australiens à l'origine, ils ont tenté leur chance aussi en Angleterre, ça a jamais vraiment décollé. Donc là on est on va dire dans le début des années début et milieu des années 80. Résultat, ils retournent en Australie et enregistrent 16 Lover Lane en 88, qui sera leur sixième et dernier album avant qu'il ne se sépare. Bon, après il y aura des reformations un petit peu plus tard, mais j'en reviens à la découverte. Donc les Zarok avaient ressorti pour l'occasion un disque de démo de cet album, et ça a été pour moi vraiment une belle découverte. Et du coup je suis parti chercher le CD, donc en médiathèque, hein, comme d'habitude, comme toujours. Et ce qui me plaît, c'est le côté très pop, sympa, bonne humeur et douceur. Et surtout la guitare acoustique très présente, qui apporte de la simplicité aux chansons. Hein. Moi, je trouve que c'est ça qui me parle directement, c'est-à-dire que voilà, c'est assez assez simple, sans être simpliste. Après, le disque, donc la version commerciale, je trouve qu'elle est un petit peu trop produite, justement, où il y a beaucoup de cordes qui sont rajoutées. Il y avait une violoniste dans le groupe, donc bah il y a toujours un petit thème au violon qui vient un petit peu trop. J'aurais tendance à dire surcharger un petit peu le morceau. Et c'est pour ça que je vous pousse un petit peu à aller regarder si vous trouvez le CD de démo des Zarok, puisque justement les morceaux sont enregistrés en mode démo, c'est-à-dire juste guitare-chant. Et le chant déjà est un petit peu moins travaillé que sur le disque. Moi je trouve que ça le dénature aussi un petit peu. Et du coup je trouve que le rendu est un petit peu meilleur sur ces démos. Mais voilà, moi je trouve que c'est un bel album qui se tient, et leur histoire elle est aussi intéressante pour ça, parce que c'est un groupe qui avait pas mal de potentiel et qui l'a jamais vraiment réussi à percer, un petit peu cannibalisé par tout ce qui était un petit peu plus commercial, quoi. Mais je trouve que c'est un album qui se tient bien. Alors je ne connaissais absolument pas de nom, ça me disait rien, enfin... Mmh. Là, je me disais, alors là, c'est terrain incognita, c'est là aussi, hein, c'est très ancré dans la période. Ouais. On peut pas se méprendre, on sait à peu près, je vais pas dire à 6 mois après, mais on sait à peu près quand ça a été enregistré, il y a pas trop de doute. Hein. Bien que la qualité d'écriture, et je trouve la production quand même, alors j'ai pas écouté les démos fatalement, font du disque quand même un ensemble qui passe bien l'épreuve du temps. Je trouve que ça sonne pas daté. Ouais. Mais voilà, ça c'est pareil, encore un truc qui aurait pu être enregistré aujourd'hui. Ça fait pas. Il y a pas le côté cheap que peuvent avoir certaines productions d'époque. Ça marche bien. Alors ça sonne quand même comme plein de groupes de l'époque. Ouais. Et je pense que c'est surtout ça qui les a desservis. Ils ont peut-être pas eu le coup de pub qui marchait pour passer au-dessus de X ou Y. Ça sonne comme plein de groupes d'époque, sans pour autant qu'on puisse vraiment dire ça sonne comme X ou Y. Ça ressemble à la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. On passe à ton prochain choix, donc, et pour le coup, pantalon en cuir, permanente encore, on retrouve tout ça. Absolument, oui. On fait dans le rock encore avec Alice Cooper en 1982. La chanson c'est I Am the Future et l'album c'est Zipper Catches Skin. Donc c'était I Am the Future de Alice Cooper, extrait de Zipper Catches Skin, sorti en 1982. Alors j'ai eu beaucoup de mal à choisir le disque parce qu'on est en plein milieu d'une vaste campagne de réédition de tous les albums d'Alice Cooper en vinyle. Mm-hmm. Donc le choix était dur parce que ces derniers mois, j'en ai racheté trois. je suis un gros fan d'Alice Cooper. Non. Il faut le savoir. J'ai mûrement réfléchi. Je me suis dit, allez, on va faire plutôt celui-là. Alice Cooper fait d'abord un groupe créé en 1964 qui a eu plein de noms différents et qui va démarrer une carrière discographique en 69 avec l'aide d'un certain Frank Zappa. Le groupe va devenir une valeur sûre du glam rock avant que le chanteur Vincent Furnier décide de se la jouer solo en 75 en gardant le nom pour lui. Mmh. Donc ça devient Alice Cooper tout court. Le succès grandit à peu près parallèlement avec la consommation d'alcool qui va le ruiner intégralement, l'amener en hôpital psychiatrique à la fin des années 70, et il va démarrer la nouvelle décennie sous assez forte dépendance, en nécessité de ce débat de finir les albums qu'il doit à sa maison de disques, et en essayant quand même de faire évoluer tant bien que mal sa musique. Et de cette période, il va sortir 4 albums complètement ovnis dans sa disco, donc entre 80 et 83. Ces disques ne sont pas toujours méga appréciés, et en tout cas, ils sont assez peu connus, il n'y a pas de tube particulier. Et moi, ces 4-là, c'est des disques que j'adore. Bon, j'aime beaucoup les autres aussi, hein, mais j'ai un affect particulier sur ces 4-là. Alors, il se cherche, il met un peu de New Wave par-ci, il fait des disques qui sont vite faits, c'est un peu bancal, les titres sont vite écrits, parce que de toute façon, il est tellement cuit qu'il ne faut pas que ça soit des choses trop compliquées. Malgré tout, eh ben, il s'en sort super bien. Et je trouve que ça marche quand même assez bien, avec des textes qui sont pas compliqués, pas mal d'autodérision. Le tout est assez concis et en gros, bah, il fait du rock'n'roll basique comme il a jamais vraiment fait et comme il fera jamais vraiment plus après. Donc c'est assez intéressant pour ça. À noter que le choix que j'ai fait, c'est sort aussi du lot dans ce disque qui sort du lot, qui a été composé par Lalo Schifrin et sert de BO à l'excellent film Class of 94 avec Michael J. Fox, que si vous l'avez pas vu, je conseille très fortement. Et voilà. Et j'aime beaucoup ce disque un peu foutraque mais marrant. Et de toute façon, le monsieur, il peut me faire à peu près n'importe quoi, je suis toujours assez fan. Et donc c'est une réédition en vinyle de jolies couleurs aussi, il est transparent mais avec un côté fumé. Voilà. Est-ce que tu l'avais déjà écouté? Est-ce que tu aimes Alice Cooper? Alors, Alice Cooper, t'es la deuxième personne à vouloir me foutre un disque d'Alice Cooper dans les oreilles en très peu de temps. Ah bah, écoute. Et c'est dur hein, quand même. Alors, bon, l'ouverture quand même, Zorro Hassan, c'est à mourir de rire, puisqu'il y a quand même le qui revient plusieurs fois dans le morceau, et je trouve que c'est un super bon moyen d'ouvrir un disque, puisque tu retrouves une référence que tout le monde connaît, c'est assez drôle, hein, c'est assez sympa d'avoir ça. C'est pas sérieux, hein, il faut bien le garder comme quelque chose qui n'est pas sérieux. Le mec, il est cuit, on lui fait des chansons vite fait pour qu'il fasse un disque de plus, mais voilà, hein, ouais. Il délivre pas un message particulier, hein, c'est important à dire. Alors, j'ai eu du mal quand même, parce que ça m'a pas attiré à première écoute, mais il y a quand même des très bons morceaux. Il y a le Adaptable qui a un riff super accrocheur, le I Like Girls aussi qui est assez fun. Il y a Remarkably Insincere aussi, mais le reste, j'ai pas vraiment réussi à trouver mon compte, et j'ai été faire un petit peu le même travail que toi, c'est-à-dire aller voir un petit peu d'histoire derrière, et effectivement, le mec dit, bah, il y a des albums... je sais même plus comment je les ai enregistrés, et celui-là en fait partie. Tout à fait. Et je me dis, mais d'accord, donc ouais, ok. Donc le gars, il sait même plus qu'il a enregistré ça. Celui qu'on m'avait fait écouter, c'était effectivement l'album Trash d'un petit peu plus tard, dans les années 80. Et j'avais eu un petit peu le même ressenti, donc il y avait des morceaux qui sortaient du lot, mais tout n'était pas au même niveau. Ouais, fallait finir le contrat, donc on finit le contrat, et puis voilà, quoi. Voilà. On continue avec la guitare et les rééditions pour le coup. Et c'est encore un vinyle. Bah oui. Donc on va s'écouter un extrait de Ce jour heureux et plein d'allégresse, hein, des Ludwig von 88, Sous le soleil des tropiques. Sous le soleil. Dynamite, je repartirai pour toi le plus torride. changerai la mer en champagne. Et j'y doirai mes rivaux qui se saoulent des fonds abyssaux, les voyant sous mes talons, sous le soleil lourd. Tropique au compteur. Non, c'est pas celle-là. C'était Sous le soleil des tropiques, donc des Ludwig von 88, extrait de l'album Ce jour heureux et plein d'allégresse. Ah là là, donc oui, beaucoup à dire sur les Ludwig, à commencer par leur découverte à l'époque, sans vraiment que je m'y attarde beaucoup, parce que j'en entends parler un petit peu dans la cour de récré du lycée. Mais c'est les méchants garçons qui écoutent ça de la classe, donc je me dis c'est pas bien, faut pas écouter ça, c'est pas bien, c'est pas de la bonne musique, je reste avec mon Midnight Oil et ça suffit, on va pas plus loin. Et par contre j'y reviens en première, donc un petit peu plus tard en 93, où un pote, donc pour le coup un peu plus fréquentable, me copie les deux Oulala et cet album, donc Ce jour heureux et plein d'allégresse, sur cassette. Et depuis, bah, j'ai toujours une petite période Ludwig qui revient à intervalles réguliers, et c'est en ce moment. Alors musicalement, comment dire, c'est pas le Pérou, hein. Il y a une boîte à rythme un peu pétée, des paroles un petit peu insensées et tout, mais c'est bourré de fraîcheur et d'humour. Hein, donc moi, c'est vraiment ce que j'aime rechercher dans les Ludwig, hein, c'est le côté vraiment détaché, le côté foutraque, le côté bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis ça passe super bien avec des chansons comme Nous sommes des babas, un morceau comme New Orleans, c'est un délice. C'est super bien fait, quoi. Je trouve que voilà, on sent que c'est fait avec 3 francs 6 sous et que ça passe encore tout seul, quasiment 30 ans plus tard. C'est simple, c'est ultra efficace, c'est bien senti. Et l'album se clôt par un petit reggae Caliman qui me fait toujours hurler de rire. Donc, pour le coup, bah, tu l'as dit, c'est un vinyle que j'ai racheté pour le discarder, puisqu'il est ressorti dans une belle édition où le disque, donc, il est en bleu transparent. Et donc, je te passe la main avant de reparler un tout petit peu après, puisque j'ai un autre petit quelque chose à dire. D'accord. Donc édition vinyle bleu transparent que j'ai aussi. Oui. Pour agrémenter la réédition CD que j'avais achetée en fait il y a pas si longtemps avant. Donc j'ai déjà eu l'occasion de dire que j'adore ce groupe et donc bah, ce disque-là fait pas exception. Je me demandais et en fait j'ai pas réussi à me souvenir. Bizarrement je n'arrive pas à me souvenir par quel biais j'ai découvert le groupe à l'époque. Par contre je me souviens par quelle chanson. Donc je ne me souviens plus qui me chantait HLM en boucle. Mais c'est par HLM. On a chopé la petite Hélène, on lui a fait coucou la voilà. Elle nous a répondu oulala la la la la. Et c'était con comme la fille, je trouvais ça génial. Donc je me suis acheté le vinyle et à l'époque sans savoir que c'était du punk. Ah oui. Donc quelle ne fut pas ma surprise de retrouver avec cette bizarre galette. Et pour un style de musique qui n'est pas particulièrement mon style de prédilection, j'ai trouvé l'ensemble génial. Mais je pense que c'est le deuxième degré quasiment permanent qui est le côté assez, mine de rien, quand même assez joyeux qui a remporté la queue du Mickey et voilà. Et en fait je les adore beaucoup. La petite chose à rajouter, donc c'est le site donc Archives de la Zone Mondiale qui propose donc les rééditions très très belles, donc des vinyles, des CD de tous leurs albums. Il y a aussi toute la clique du punk de ces années là hein, des Berruriers Noirs, voilà. Alors là tu vois par exemple j'ai essayé et les Berrues, j'y arrive pas. Bah, les Berrues, c'est tu as beaucoup moins de second degré. Oui, c'est peut-être aussi ça. Il y a ça aussi. Après, les Ludwig, enfin, moi, évidemment, il y a les deux Oulala qui sont à conseiller fortement si vous aimez bien ce style. Après, il y a le 17 plombs pour péter les tubes. Ah, j'allais dire. Qui date, lui, plus des années 90, mais c'est fantastique, quoi. Moi, je trouve que, au niveau des morceaux qu'ils reprennent, de ce qu'ils en font, c'est génial, quoi. Il y a une reprise de Mylène Farmer dessus qui a hurlé de rire. Je trouve que c'est parfait, quoi. Bon, du coup, en réédition, ton choix, Alors mon choix madame, ça sera la réédition de luxe 3 CD de l'album Indigo de Matt Bianco, album de 88. Et la chanson, pareil, on fait simple, ça sera Don't Blame It on That Girl. Magazines that that girl lustful life, beauty trip. She said I'm with all the tricks that that girl. De Matt Bianco, extrait de Indigo, sorti en 88. Donc, un groupe britannique formé en 83, issu du groupe Blue Rondo à la Turque, dont j'ai chroniqué ici le premier album. Donc voilà, deuxième référence. La musique du nouveau groupe étant d'ailleurs assez proche de l'ancien. Donc on a là aussi un mélange de jazz et de rythme latin assez efficace. On leur doit, entre autres, More Than I Can Bear ou Get Out of Your Lazy Bed sur leur premier album, ou la reprise du tube de Georgie Femme, Yeah Yeah, sur leur deuxième album. Alors, comme pour plein de disques essentiels pour moi, c'est ma mère qui m'a fait tomber dans la marmite en achetant la cassette en 84, je pense, la cassette du premier album. Et c'est fini, j'avais le virus, donc les deux albums suivants... À la sortie, j'avais la cassette. C'est qu'au quatrième album que j'ai commencé à acheter des CD. Pour ce troisième disque, le groupe essaye d'attaquer le marché US. On ne sait jamais pourquoi, d'un seul coup, il faut toujours... Ils veulent tous que leur disque s'écoute au fin fond de la Sierra Madre. Et dans ce but, confie une partie de la production au très célèbre à l'époque Emilio Estefan, monsieur Miami Sound System et accessoirement Miami Sound Machine. Miami Sound Machine, pardon. Miami Sound Machine et accessoirement Marie de Gloria Estefan. Donc très en vogue à l'époque. Alors la balance jazz versus latino penche d'un coup très fortement côté latino, on va se demander pourquoi, ce qui permet de se renouveler, mais dans une certaine continuité tout de même, avec quand même une surprise sur le titre Wop Bum Boogie qui sort complètement des clous, qui fait complètement aussi ovni sur l'album, mais qui va bizarrement assez bien marcher, poussant le groupe à expérimenter un petit peu plus sur une veine dance de temps en temps sur les albums qui vont suivre. Le reste de l'album étant, on va dire, assez classique par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire, avec une prod, je trouve, à la fois à la mode. C'est un truc qui sonne bien comme ce type d'album se faisait à l'époque, mais c'est pareil, c'est, je trouve, suffisamment bien fait, suffisamment bien interprété pour que moi je trouve que ça sonne pas trop daté et que ça pique pas ni les yeux ni les oreilles. C'est le troisième album du groupe, c'est le troisième à faire l'objet d'une réédition de luxe, avec l'habitude, les pleins de face B, de démos, de remix. Comme souvent aussi pour ce genre d'objet, c'est essentiellement pour les fans. De toute façon, si on est fan, on n'aura pas l'album tout court, donc ça sert à rien. Mais pour ceux qui sont, on va dire, moins fans et qui connaissent pas forcément l'album, bah, je trouve que c'est un bon témoin de ce qui se faisait à l'époque dans ce style de musique, qui était pas forcément si répandu que ça. Donc c'est pas forcément un essentiel des années 80, mais ça vaut quand même son détour et je trouve que il passe encore assez bien. Je trouve qu'il y a un côté plus un peu moins mystérieux, parce qu'il y avait ce côté agent secret qui prédominait sur les deux premiers albums. Donc là c'est plus léger, c'est plus festif et ça passe bien. Donc tu connaissais au moins la chanson titre, je suppose. Oui, le Don't Blame It on That Girl, je connaissais aussi le I Say Yeah Yeah. C'est plus par ça que je connaissais Matt Bianco. Et ouais, ça m'a replongé donc dans les 80s clinquantes, hein, donc Havana, Latino. Je connaissais aussi un petit peu Miami Sound Machine, donc pareil, hein, très très porté plus US. Mais ouais, moi je trouve que c'est ultra dansant, c'est fun, léger, c'est un bel album pour justement un automne qui commence à arriver et où il fait froid, bah ça fait du bien de se retrouver un petit peu les petites chaleurs latino. moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'est je connaissais vraiment que les singles. Et ouais, ça permet de connaître un petit peu plus ce que faisait le groupe. Et ouais, moi ça m'a bien plu. C'est passé tout seul, on va dire. Je pense que c'était l'essentiel de la volonté du disque, c'est que il passe tout seul. Ouais, mais tu vois, quand c'est pas douloureux, c'est un premier pas vers le pas mal. Mais oui. Non, mais je trouve qu'ils continuent à faire des disques qui passent agréablement. Voilà, ils ont leur petite recette qu'ils essayent de faire évoluer quand même, sans suivre plus que ça les modes. J'avoue que l'ouverture du quatrième album, donc celui qui a suivi, je me suis quand même accroché à mon siège parce que ça commençait avec un fond de rap et là ça dure pas, donc ça va. Après, on revient dans des clous un petit peu plus. Mais c'est vrai que ça m'avait fait très très bizarre. Qu'il a toujours son chapeau sur scène? Je ne les ai jamais vus sur scène, donc je ne sais pas. Je sais pas. Issu du premier album, j'ai vu Basia en concert, elle par contre, mais qui n'avait pas de chapeau. Mais Matt Bianco, enfin aujourd'hui Marc Rainey, non, je n'ai pas eu ce plaisir. Donc peut-être un jour. Après, j'ai l'impression qu'il tourne quand même essentiellement au Japon. Il y a énormément d'albums qui sont sortis. Il y a plein d'albums qui ne sont sortis que là-bas. Donc peut-être là-bas quand j'y retournerai. On sait jamais. Alors nous pouvons passer au hors sujet. On va ouvrir avec Tom McRae, donc un morceau qui s'appelle The Boy with the Bubblegum. Welcome to the second reel. Glad that you could make it. We thought your fate was sealed. It's not what we expected. But you punch above your weight. And you're stronger than you look. And the ending's not the same. They changed it from... C'était The Boy with the Bubblegum de l'album Tom McRae, éponyme, on va dire. Un album qui date de 2000. Alors, ce brave homme, je l'ai découvert à l'époque, donc au début des années 2000. Alors, c'est de la pop comme j'aime bien. Moi, je trouve que la voix est très très belle. Moi, je sais déjà ce que tu vas en dire, mais tu pourras quoi. C'est des compositions qui sont assez simples, mais je trouve que c'est vachement bien orchestré. Alors, pour le coup, il y a beaucoup de cordes. Il y a du violoncelle, beaucoup de violon, et moi, c'est ce que j'avais vraiment trouvé d'intéressant dans cet album, puisqu'il y a aussi beaucoup de guitare acoustique, donc c'est ce qui fait aussi la simplicité, mais les cordes, ça amène un côté un petit peu plus ambitieux à la chose. Et il y a des beaux bijoux dans cet album, avec Second Law, notamment End of the World News aussi, que j'aime beaucoup. Bref, c'est le genre de disque que j'aime bien remettre, justement pour le coup, les soirs d'hiver, hein, pour être tranquille avant d'aller dodo. Je pense que tu vas trouver que c'est un petit peu trop triste ou un petit peu trop larmoyant. Mais moi, je l'avais vu en concert, donc à la Vapeur à Dijon, donc pour son deuxième album, et c'était vraiment génial. Bon, c'était une atmosphère quand même feutrée et un petit peu, on va dire, dans la retenue. On distribue des Valium à l'entrée, non, c'est pas ça? Non, arrête, t'es méchant. Mais non, mais on peut pas écouter un monsieur avec un joli chapeau à Vanet tout le temps, quand même. Il y a des moments où, voilà, il faut revenir sur des choses simples et sympathiques. Mais voilà, moi, c'est le genre d'artiste que j'aime bien. Il a pas eu l'écho à l'époque, moi, je trouve, à la hauteur de son talent. Moi, j'avais vraiment gardé ces deux premiers albums que je réécoute assez souvent. Et moi, j'aime bien. Alors, je vais te passer la parole, mais je sais déjà ce que tu vas en dire. Non, je vais pas détruire. Je me doute. Alors, j'ai découvert ça, donc, parce que... Tu connaissais pas? Non, je ne connaissais pas. Ouais. J'ai lu, il y a une petite chronique qui s'affiche sur Deezer, qui le place dans la droite lignée de Nick Drake. Je pense que le mec a fumé quand même. C'est pas juste parce que effectivement on a le sentiment qu'il est un tout petit poil suicidaire, que non, forcément il fait du Nick Drake. Je trouve que c'est un peu survendu quand même. Et puis Nick Drake, il gêne pas, quoi. Hein, c'est, oh là là. Voilà. Je trouve que s'il y a une parenté, pour moi, je la trouve plus du côté de chez REM. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas très éloigné. Et il y a une inspiration que je mettrais. Alors, peut-être que c'est pas, tu seras peut-être pas d'accord. Je trouve qu'il y a une inspiration un petit peu de type grunge sur les bords. C'est-à-dire que ça, comme, il y a plein de titres qui commencent comme pourrait démarrer un truc de Nirvana ou machin de l'époque, hein. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a pas l'explosion de guitare saturée. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a une certaine proximité, je trouve. On sent que toute cette vague-là est passée par là. Il y a un fabuleux travail sur les ambiances et sur les textures, que je trouve vraiment très, très original et très, très intéressant. Alors, sur des titres comme You Cut Your Hair ou Second Law, il y a un habillage un peu atmosphérique derrière qui est très, très réussi. Il y a des tas de trucs qui me plaisent dedans. Ouais. Après, effectivement, on rentre dans un univers qui est assez balisé, donc c'est pas un mec qui va faire une chanson de reggae, une chanson de rock et puis après de la dance et puis machin, enfin voilà. On rentre dans un truc qui est c'est un univers qui est unique et ça donne un album qui est un petit poil monolithique pour moi. Ouais, c'est clair. C'est... Donc c'est le genre de truc où je peux écouter quelques titres avec plaisir, mais tout le disque, je vais avoir tendance à m'endormir un petit peu dessus. Pourtant, il y a des très bonnes chansons, en particulier End of the World News. Pour le coup, c'est un petit peu moins mou. Donc ça marche tout de suite tellement mieux. Et puis, effectivement, Boy with the Bubblegum. J'ai noté aussi Hidden Camera Show et A&B Song. Il y a des très bons trucs. Honnêtement, je vais pas forcément régulièrement écouter l'album en entier, mais repiocher quelques chansons dessus, ça vaut plus que très largement le coup d'oreille. Donc, tu vois. Le côté génial, je me suis dit, il va pas aimer et tout. Mais ça, je saisis pas trop ce côté, et je ne comprends pas comment à part sur la toute dernière chanson, ou peut-être. Mais enfin, c'est pas Nick Drake, quoi, mince. Ah non, bon, non, ça n'a rien à voir avec Nick Drake. Mais je sais pas, c'est vraiment, c'est la première référence, et le mec, il fait sa chronique quasiment uniquement là-dessus. C'est bizarre, c'est peut-être moi, mais non. Comme tu dis, l'aspect monolithique de l'album, ça, il est évident. C'est-à-dire, si tu écoutes les deux premières que t'aimes bien, tu vas aimer jusqu'au bout. Si t'aimes pas, ça sert à rien de persévérer, puisque le reste est assez, on va dire, c'est dans la même veine. Ouais. J'irais oui et non, parce que moi, j'écoute les deux premières. J'étais assez impressionné par la première. Ouais, elle est. Je vais en écouter 2-3 et je vais trouver ça super bien. Ce qui m'ennuie, c'est qu'après, il y en a encore 2-3 qui soient un petit peu dans le même esprit. Donc, peut-être qu'on peut, c'est pareil, l'aimer, mais avec parcimonie. On n'est pas obligé de le repousser dans son ensemble, parce que ça serait dommage, on passerait à côté de quelque chose. Bon, on va passer à ton dernier choix. Très original. Alors oui, je tiens à dire que ça n'était pas une punition... destiné à violer tes oreilles. Ah non, mais... cela dit, je l'ai pas du tout pris comme ça. Tant mieux, tu me rassures. Parce que donc je sélectionne un des tout derniers CD que j'ai acheté, qui se trouve être la bande originale du film Guy, donc qui est sorti cette année, et l'extrait, c'est la chanson Danny Doo. Te souviens-tu dès notre première fois? Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là. Te souviens-tu, notre chanson d'autrefois? Notre refrain faisait da-dou-di-dou-da. Nous le chanterons encore. Le sache alors, c'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur. Et tu chantes, je chante, da dou di dou di da, et mon amour reste à toi. Donc c'était Daddy Doo, extrait de la bande originale du film Guy, donc interprété par Alex Lutz et Elodie Boucher. Alors, pourquoi? Pourquoi? Moi, je donc sais pourquoi. je ne dirais pas que c'est un disque que je peux écouter tous les jours. Très, très loin de là. Mais j'avais super envie d'en parler parce que j'ai absolument adoré le film. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu, mais ça m'a donné envie de le voir. Alors, honnêtement, ouais, le film est fabuleux et c'est un peu comme un oignon. Il y a plein de couches d'un point de vue scénaristique, mise en scène. Enfin, et à chaque fois que tu t'es fait un truc, il se passe encore quelque chose derrière. Une fois que tu t'es pris le personnage qui est super bien interprété, une fois que tu t'es payé le maquillage qui est très bien réussi, la voix du mec qui est formidable, il y a tellement de profondeur derrière que t'es cueilli du début jusqu'à la fin. Et donc pour remettre le truc dans son contexte, pour le film et donc pour la bande originale, ils ont recréé ce qui aurait été un espèce de best-of d'une gloire de la chanson populaire des années 60 à aujourd'hui, donc un espèce de mélange de Claude François, Johnny, Eddie Mitchell, il y a un côté un peu Elmer le Homard sur la fin, et voilà, c'est un peu le best-of de cet artiste imaginaire Guy Jamais, et je trouve que ça, il rentre très très bien toute une série d'ambiances, donc il y a le côté très années 70, le côté très années 60, le revival des années 80 est impayable. Je trouve qu'il y a des chansons qui sont à la... Enfin, il y en a plein qui auraient pu sortir à l'époque. Alors après, en plus, dans le film, on a le visuel de certaines chansons, et en particulier les clips qui retournent. Donc les clips qui sont censés avoir été tournés dans les années 80 sont absolument impayables. Il y a un visuel tellement kitsch. Ça ne résume absolument pas le film. Le film, c'est une espèce de petit fil conducteur pour raconter l'histoire. Mais je trouve que c'est tellement bien fait que franchement, dès que la BO est sortie, j'ai eu envie de l'acheter et j'ai réécouté le disque en finissant d'écrire 2-3 bricoles cet après-midi et j'ai dit ouais, ça marche toujours bien, c'est cool, c'est marrant, mais bon, c'est pas forcément un truc que j'aurais envie d'écouter quotidiennement. Je trouve que c'est tellement bien fait que voilà, et vraiment le film, il faut lui laisser une chance. Je suis pas sûr qu'il ait méga marché vu le peu de temps qu'il est resté en salle. Ouais. Donc je peux comprendre, c'est pas le dernier Avengers, mais ouais, c'est un peu le problème quoi. C'est très probablement le problème, mais non, c'est un très très très très bon film sur la nostalgie, sur la transmission, sur la filiation. Sur le temps qui passe, sur la modernité et cette espèce de côté où passer un certain âge et il n'y a pas besoin d'avoir 80 ans, on finit par plus vraiment se retrouver dans le monde d'aujourd'hui et plus trop comprendre comment il fonctionne. Et il y a ce personnage qui sert de fil rouge et qui sert d'encre à tout ça quoi. Voilà, et qui déroule un petit peu sa carrière qui, je trouve, est créé comme ça et inventé de manière assez marrante et avec, je trouve, beaucoup de talent, et il chante bien, le père Lutz. Il y a tout un travail sur la voix pour faire en sorte que sa voix sonne jeune sur les titres des années 60 et plus vieille sur les titres des années 80. Il y a vraiment quelque chose de super chouette. Enfin voilà, j'arrête d'en parler. J'ai adoré le film, je trouve la BO excellente, et voilà, donc j'avais envie de faire un petit coucou dessus. Un grand coucou dessus. T'as bien fait, parce que moi j'ai trouvé, que, comme tu l'as dit, j'ai trouvé que ça partait au départ très très mal, parce que j'ai entendu du faux Claude François au début, je me suis dit mais c'est quoi? Et forcément tu te dis mais ok, donc j'ai été voir un petit peu de quoi ça parlait, et j'avais laissé tourner le disque. Et justement, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que les mélodies sont hyper accrocheuses. Et quand tu sais le propos donc du film, c'est quand même très très difficile de faire des chansons qui devraient sonner comme des tubes des années 60, mais 60 ans plus tard, quasiment 60 ans plus tard. Et c'est là où je trouve qu'ils ont réussi ce tour de force, parce que cette chanson, tu te dis, ouais, elle est hyper datée, mais elle est hyper accrocheuse. Et justement, quand il y a les différentes versions qui viennent s'enchaîner dans cette BO, tu retrouves la mélodie donc des premiers morceaux. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien trouvé pour ça, quoi. C'est tu retrouves tous les codes de l'époque des années 60 dans le début, mais au fur et à mesure, bah tu ouais, comme si cette chanson t'avait accompagné un petit peu tout au long de ta vie, quoi. Et c'est là où la surprise, elle est vraiment vraiment très bonne. Alors, j'ai pas vu le film, mais j'ai écouté ça comme un album à part entière, et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien foutu pour ça, quoi. C'est un tour de force parce que en général, quand t'as un propos comme ça, où tu dis, bon bah voilà, on va refaire des chansons du passé comme si elles avaient été faites, bah tu fais ça, là va vite, et tu sors un truc vite fait, et c'est rarement réussi. Et là, j'ai trouvé que les chansons étaient vraiment toutes bien reposées sur les codes de l'époque, et je trouve que c'est vraiment vraiment bien trouvé, quoi. Et j'ai vraiment bien aimé cet album. Ah bah c'est une belle découverte. J'en suis content. Je me suis dit, il va croire que je vais sélectionner ça pour lui pourrir sa soirée. Mais non, parce que c'est le côté que... justement faussement clo-clo. Mais ouais, mais tu te dis, ouais, après, moi je me dis, mais pourquoi ? Et après, quand tu comprends le pourquoi, bah, ça se justifie pleinement. Et surtout que c'est pas fait avec les pieds, quoi. C'est vraiment bien écrit, c'est bien chanté. Et donc, ça justifie vraiment le propos, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait, ouais. Et ça donne envie de voir le film. Eh ben, je conseille. Sur quoi on clôt ? Un petit Matt Bianco à essayer ? Écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On redescend 86 dans ces cas-là. Ouais, avec plaisir. Bah merci beaucoup pour tous ces choix, Mr. Wiz. Comme merci. D'habitude, il y a eu de tout. Merci à vous. Hein. Oui, bah c'était un petit peu l'idée. Je dois t'avouer, passer de Run DMC à Emily Joly, puis Trust, ça a été assez compliqué, quoi. Enfin, moi, ce qui m'éclate, c'est effectivement, c'est le fait qu'il y ait Trust et que ça finisse avec Daddy Doo. Moi, ouais. Quand même, le mélange des deux m'éclate. Je dis ça va faire quand même un espèce de boulevard des hits encore assez, assez original. Donc, on se quitte sur ce yé-yé. Et puis, on se dit à la toute prochaine fois. Ouais, à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Others alone, no need to ask me. others alone.